Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions de Damaj ont le plaisir de vous présenter la description du Hajj et de la Umrah, une série de cours donnés par le frère Abdul Hamid al-Jazairi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Damaj au Yémen. Cours numéro 1, بعد توجيهات قبل الذهب وفضائل العمرة. Quelques conseils avant le départ et les mérites de la Umrah. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الصفا ومروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكرا عليما الله سبحانه وتعالى الصفا والمروة صفا المروة sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Quiconque fait le hajj dans la maison sacrée ou fait la umra ne commet pas de péché faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gain une bonne action, Allah Azza wa Jal est reconnaissant et omniscient. Wa qala Allah Ta'ala, Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-Hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil Hajj. قال الله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدل في الحج أي الله سبحانه وتعالى dit le hajj a lieu dans des mois connus si l'on décide à l'accomplir alors point de rapport sexuel point de perversité et pas de dispute durant le hajj وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Faire le hajj est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens et quiconque mécroit, Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement de l'univers. ومن السنة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من حديث جبريل وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Dans le hadith de Omar, hadith de Jibril, alayhi salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que tu fasses le hajj si tu en as les moyens. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها حج البيت. D'après le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu ta'ala anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam a été bâti sur cinq piliers, parmi lesquels il mentionna le hajj à la maison sacrée. Alhamdulillah, nous venons d'accomplir une adoration azim, immense, dans les mérites, dans la récompense et dans son importance envers Allah Azza wa Jal. Cette adoration est le Ramadan, ainsi que les six jours de Shawwal qui sont passés. Et les hadiths dans ce chapitre dans les mérites du Ramadan sont connus, inshallah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y aurait, pour citer les mérites du Ramadan, que le hadith suivant, Al-Sawmuli wa ana ajtibi, le saum, le siyam est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense, sera largement suffisant pour définir les mérites du jeûne. Et là, alhamdulillah, on va se diriger vers une autre adoration qui a autant de mérites. Et le fait que Allah subhanahu wa ta'ala ait fait que cette adoration soit faite dans un mois sacré, cela suffit pour montrer son mérite. Et cette adoration, alhamdulillah, c'est le hajj. Elle est faite durant le mois de Dhul-Hijjah. Et toute adoration doit être faite avec science. C'est la base. Soufiane Taouri, radiallahu ta'ala anhu, il a dit une belle parole, qui a dit La boud, li din min al-ilm, kama la boud, li jasad min al-khubz. Soufiane Taouri, il a dit une parole, cette parole est la suivante. Il a dit, la science est indispensable à la religion, tout comme la nourriture est indispensable au corps. Et nous, on ne doit pas tomber dans le verset où il y en a dans Surat al-Fatiha où Allah subhanahu wa ta'ala il a dit غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cette ayah concerne les juifs et les chrétiens. Et les chrétiens عليهم من الله ما يستحقون وعليهم لعنة الله, ils font des ibadas, mais ces ibadas, ces adorations, elles sont sans science, sans ilm. Et ces adorations n'ont aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal. De plus, le hajj est une immense adoration. Et les mérites conscients, même si la personne passe un an à apprendre les rites du hajj, cela n'est pas perdu pour lui. Car il faut qu'il se mette en tête qu'il est à la recherche de la science et qu'il faut qu'il mette une bonne intention dans l'apprentissage de ce rite. Ce rite qui tombe dans le Zul-Hijjah, parmi les mois sacrés. Et avant ça, Yarni, et parmi ça, je déconseille de faire ce que certains font, c'est-à-dire qu'ils se dirigent vers le Hajj, mais sans apprendre avant cela. Ils se dirigent vers le Hajj, mais ils n'apprennent pas. Et on les voit, ils sont comparables à des enfants qui viennent d'apprendre à faire la salade. Ils regardent à droite, à gauche, pour voir ce que les gens font dans le hajj. Il ne peut que suivre. Il ne fait pas quelque chose à la haine. Il n'a pas appris avant, alors qu'il en avait la capacité. Et tu le vois, il revient du hajj, et il est plein de doutes. Est-ce que c'est fait ça, est-ce que c'est sahih, est-ce que c'est pas sahih, est-ce que mon hajj l'a accepté, il se pose des questions. Et Shaitan, il a joué avec lui. Pourquoi ? Parce qu'il a délaissé l'apprentissage d'une adoration qu'il allait accomplir. Alors que, alhamdoulilah, on a une époque où les moyens sont faciles. Tu vas sur internet, tu as des ressources, comment faire le hajj, qui sont simples, qui sont expliquées, et tu n'as plus qu'à suivre à la lettre. Et toi, alhamdoulilah, tu es murtah, tu reviens, tu es tranquille, tu sais que ta ibadah a été faite correctement, ou alhamdoulilah, et tu as la sakina. En différents doutes, constamment en doute. Est-ce que ma salat est Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai bien accompli mon hajj? Est-ce que je suis redevenu comme le jour où je suis né? Plein de questions, je suis en train de jouer avec eux. Allah al-Musta'an. C'est pour ça qu'il faut, c'est important, dès que tu diriges vers une ibada, apprends-la. Apprends le rite de cette ibada. Apprends comment faire cette ibada. Comme ça, Allah, t'es mutma'in. T'as ton cœur, il est tranquille. T'as la sakina. C'est pas Shaitan, il joue avec toi, t'es perdu. Et après, ça voulait pas vos soins. Et t'entends les gens, ouais, je sais pas, ça. Et après, si t'auras appris depuis le début, voilà, t'auras pas eu ces vos soins. Les moyens te sont donnés, tu n'as plus qu'à les prendre. Oh, alhamdoulilah. Tu t'es pas fatigué, le travail t'a été mâché, prends-la. Oh, alhamdoulilah. Et aussi, durant ce cours qui va être donné, je conseille aux frères et aux sœurs de prendre un cahier avec eux et de noter ce qu'on va dire. Parce que dedans, dans ce cours, on va mentionner des choses, des actes qui sont obligatoires, des actes qui sont surérogatoires, des actes qui sont obligatoires, des actes qui sont surérogatoires, des actes à éviter, il y a le comportement durant le voyage, le programme à suivre, et de mettre tout ça dans un cahier. Et lui, alhamdoulilah, dès qu'il arrive à l'Umrah, il a son cahier avec lui, il sait dans sa tête comment il va avancer, il sait exactement les rites qu'il va faire, depuis le miqat jusqu'à l'Umrah, et du début du Hajj jusqu'à la fin du Hajj, et il va revenir, inshallah, subhanahu wa ta'ala, mutma'in, tranquille, apaisé, et il aura préparé ses cours, alhamdoulilah. Et je lui conseille aussi de prendre ce que va noter, ce qu'il y a avec lui durant le voyage, et de le suivre à la lettre, de suivre le programme qui va être donné, jusqu'à ce qu'il sorte des ambiguïtés et des doutes. Et parmi les choses que je conseille, c'est de faire des simulations. Avant le voyage, t'es chez toi, tu fais des simulations, on est sur le Hajj. Les kofars pour la dunya, ils font des simulations. Alors nous, pour le Hajj, qui est une ibadah azima, l'ajr fil Hajj, il est azim, la récompense du Hajj, il est azim. On doit se donner le temps d'apprendre ça et de faire ces simulations. Depuis, tu es chez toi, tu commences déjà à faire, alhamdoulilah, des simulations, comme ça tu sais comment tu vas avancer et ça ne te coûte rien. Tu accordes un petit peu de temps. Ce que je veux dire par là, c'est par exemple, je suis chez moi, je simule que j'arrive au miqat. Qu'est-ce que je fais? Ensuite, je me dirige vers Mecca. Je fais le tawaf. Je prends par exemple une table. Sur la table, je mets par exemple le coin yéménite et la pierre noire. Je fais 7 tours autour de cette table. Ensuite, je fais Sa'i. Tout le monde en est capable. Et aussi parmi ce conseil, et c'est un conseil qui est important, conseille les frères et les sœurs, c'est un conseil qui est vraiment important et que malheureusement beaucoup négligent. Je conseille de ne pas perdre son temps, surtout pendant le Hajj. Perdez pas votre temps, parce qu'on voit malheureusement que certains perdent leur temps dans les marchés, dans les magasins, etc. Ils sont dans les restaurants, ils mangent, ils sont dans les magasins, ils se promènent. Allez, ils sont partis en Arabie Saoudite, ils sont partis vers Ard al-Haram, yani la terre sacrée. Pourquoi? Pour se promener. Ça, je peux le faire tort de promener. Voilà, yani ce moment précis, le Hajj. Voilà, Umrah. Profite dans la ribada. Profite dans la ribada. Si tu peux aller dans un restaurant, tu manges, tu sors, tu vas à la mosquée sacrée. Tu fais des salettes. Tu lis le Coran. Tu fais des tawaf. Tu multiplies les actes d'adoration. Tu fais des doigts. Et des actes d'adoration, yani le tawaf par exemple, tu ne peux pas le faire dans une autre mosquée. Le tawaf, tu ne peux pas le faire en Algérie, tu ne peux pas le faire au Maroc, tu ne peux pas le faire en Tunisie. Le tawaf, il est khas ou à Mecca, au Masjid al-Haram. À la différence à la différence des Rafida, alayhim min Allah ma yastahiqoun wa alayhim l'anat Allah wa nasallah an yudammirahum damran azima. Qui ont à Karbala, ils ont fait une Kaaba, ils font tawaf autour, ils croient gagner leur hajj le sahih. Alayhim la'natallah. Et parmi ça aussi, il faut se dire que une ibada, tu fais une salat au masjid al-haram, c'est pas comme faire une salat dans une mosquée ailleurs sur la terre. Une salat faite au masjid al-haram, ça équivaut à 100 000 hasanat. Il faut se mettre ça en tête, 100 000 hasanat pour une salat. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre son temps. Toi, tu es là-bas, tu es là pour. Va prendre des provisions pour l'akhira. Il est possible qu'une salade que tu as faite au Masjid Haram, elle va te sauver au Mal Qiyama. Perds pas ton temps dans tout ça. Perds pas ton temps à te promener. Allez, perds pas ton temps dans les rues. Non, va au Haram. Je t'aide dans les ibadah, fais des efforts dans les ibadah. Et vous verrez réellement que celui qui a profité du Hajj, c'est pas celui qui est revenu et qui a dit, je suis allé dans tel magasin, j'ai visité ça. Non, celui qui a vraiment profité de son hajj, c'est celui qui aura fait le plus de ibadah dans la mosquée sacrée. Qui aura passé son temps dans la ibadah, dans la lecture du Coran, dans les doha, dans les tawaf, etc. C'est celui-là qui va vraiment, vraiment gagner son temps. C'est celui-là vraiment qui aura gagné son temps, qui aura gagné pour le hajj, qui aura fait un hajj, il sera content de lui. Nous, tiens, allez tourner dans les magasins, tourner dans les marchés, tourner dans le son, tout ça, tu peux le faire partout sur la terre. Walakin l'ajr, il est adim, hein, Mekka. Perdez pas votre temps, jazakum Allahu khayra. Stafidu min al-hajj. Ne revenez pas, yani, comme ça, vous allez regretter, vous dire, oh Allah, si j'aurais pu passer plus de temps au haram, si j'aurais fait plus de ibadah, si j'aurais fait plus de tawaf, si. Walakin, si tu perds ton temps maintenant, après que le conseil t'est donné, ne te blâme que toi-même. Allah, nous, yani, on aurait bien voulu qu'il y ait quelqu'un qui nous dise, ya akhi, ya urti, tu vas aller au hajj, stafid de ton temps. Fais des ibadah, reste au haram, perds pas ton temps dans les rues. Et si tu vas acheter des cadeaux, Hassan, tu laisses 3 jours avant ton retour et tu achètes des cadeaux pour tes proches. La manière, fais-le, alhamdoulilah. Mais la majorité de ton temps, passe-le dans les ibadah au haram. Parce que tu n'es pas sûr de pouvoir faire ton hajj l'année prochaine. L'année prochaine, tu peux mourir. On ne sait pas dès qu'Allah il va récupérer nos âmes. L'année prochaine, il se peut que tu sois touché par la pauvreté. Tu ne peux plus faire ton hajj. Il y a des choses qui vont rentrer en compte. Et tu vas regretter. Et je conseille à celui qui a les moyens aujourd'hui, au moment actuel, de faire son hajj, alors qu'il se dépêche de faire son hajj. Qu'il n'attend pas, comme certains disent, j'attends d'être vieux pour faire mon hajj. Non, fais-le tout de suite. Puis, aqrab al-waqt. Tu as les moyens, fais-le. C'est une ibadah qui est azima. Même si c'est vrai que maintenant, yani, Allah musta'an, les prix des voyages coûtent cher, sont coûteux. Mais Allah, yani, tu dépenses cet argent, tu dis que c'est la dépense pour Allah. C'est une ibada. Tu dépenses pour arriver à une ibada azima, pour faire le hajj, pour faire l'umra. Faut pas négliger ça. Même si ça coûte cher, fais-le. Alhamdulillah, t'es mutma'in. T'as fait ton hajj, t'as fait ton wajib envers l'islam. Si t'as fait ton wajib, yani, t'as les moyens. Allah il va t'interroger, yani, pourquoi t'as pas fait ton hajj alors que t'en avais la capacité? T'es mas'oul, tu dois faire le. C'est une obligation de faire le hajj. Ça fait partie des piliers de l'islam. Si t'as les moyens, fais ton hajj. Allah ibarak fik. Délaisse pas cette ibada. Fais-le le plus rapidement possible. T'es jeune, t'as la force, la quoi. Fais ton hajj. Et stahid dans les ibada. Voilà, si tu dis, j'ai par exemple posé 2000 euros pour faire mon hajj. Mais en retour, j'ai acquéri ça comme hasanat, ça comme ajr, ça comme ibada fil haram. J'ai fait des tawaf, j'ai fait ça. Wallah, 2000 euros, c'est rien du tout par rapport au hajj que tu vas récupérer. Niom al-qiyama, inshallah, si ton hajj est sincère, c'est un niyal sahiha. Et aussi, ce que je conseille, c'est d'enseigner les rites du hajj à tes proches. Tu as peut-être des proches, des frères, des sœurs, des cousins, ou bien même ta cousine. Qui va se diriger, qui va faire le hajj? Prends ton temps, enseigne-lui les rites du hajj. Enseigne-lui. Tahtasib. Toi, tu ne veux pas le faire, lui va le faire, et tu le conseilles. Tu donnes des conseils dans le hajj. Tu lui conseilles de faire le hajj le plus rapidement possible. Yani, comment on fait le hajj? Comme ça, mais il part, Allah, il va te remercier. Il va dire, Allah, jazakallah khair, tu m'as appris comment on fait le hajj. Jazakallah khair, je serais parti, je ne sais pas ce comment j'aurais fait. Si j'aurais arrivé là-bas, j'aurais eu des problèmes pour faire mon hajj. Jazakallah khair pour cette aide. Allah, barakallah fik. Si tu peux enseigner à tes proches, fais-le. Et celui qui ne se donne pas ni le temps d'apprendre des rites du hajj et fait des erreurs dans son hajj, alors ni comme j'ai dit, c'est lui, il s'en prend qu'à lui-même. Le travail aujourd'hui, il a été mâché. Mais s'il s'est refusé d'apprendre, c'est lui qui est en tort. Et si pour terminer, c'est min bab an-nasayih, mais c'est conseil. Si tu as des questions au cours du hajj, il faut savoir que les savants, alhamdulillah, l'al-mamlak al-arabiya saoudia wafaqa Allah li kulli khayr wajadaha Allahu khayra, il y a des savants qui sont en période de hajj, ils sont à Mecca. Si tu as une question durant ton hajj, tu as un doute, va la poser aux savants. Ils sont là-bas. Et parmi l'ajib, ce qu'on entend des fois, c'est qu'il y a des personnes, ils sont au haram, et ils appellent par exemple en France, à 10 000 km, pour poser une question sur le Hajj. Alors qu'ils ont ces savants à 2 km. Va poser ta question au savant qui est à côté de toi. Pourquoi tu vas appeler à 10 000 km alors que tu es un savant à 2 km ? Barakallahu fik. C'est des questions posées au savant. Reviens toujours au savant. Va pas appeler Yarni en France pour avoir une fatwa sur le Hajj. Ça, c'est pas Marcoul. C'est pas quelqu'un qui est arabe qui fait ça. Ensuite aussi, je voudrais mentionner quelques conseils avant le départ. Qu'est-ce qu'on fait avant de partir? Parmi les actes à apprendre avant le voyage, il y a le comportement à avoir durant le voyage. Celui qui va faire le Hajj, Al-Mu'tamir, d'abord, faut qu'il mette une bonne intention. Faut qu'il cherche la satisfaction d'Allah Azzawajal, qu'il cherche à se rapprocher d'Allah Azzawajal. Et faire très attention, ça c'est important. Il n'y a rien, il ne faut pas qu'elle change. Il faut que toutes ces ibadahs soient faites pour Allah Azzawajal. Il ne faut pas qu'à travers ta ibadah, tu cherches quelque chose, un bien de la dunya. Tu as abandonné, tu as sacrifié des ibadahs azimah. Le ajr azim, salat au haram et tout ça. Pourquoi? Pour avoir quoi? La ria. Pour qu'on parle de toi. Pour qu'on dise, ouais, foulain c'est un hajj. Pour montrer que tu as fait le hajj. Tu vas perdre toutes ces ibadah, tout ce ajr, pour qu'on parle de toi. Fais l'akhirah, ça n'a aucune valeur. Tu vas mourir, plus personne ne va parler de toi. Donc fais bien attention à ta niya. Fais très attention à ta niya. Fais ça exclusivement pour Allah. Et il ne faut pas ça pour qu'on t'appelle le Hajj. Il y a Hajj Fulan, là. Les compagnons, ils ont fait le Hajj. Les tabi'ins, ils ont fait le Hajj. Mais ce qu'on a entendu, un compagnon qu'on a dit Hajj Abu Bakr al-Siddiq, Hajj Omar, là. Alors toi, Yanni, tu ne fais pas ça pour qu'on t'appelle Hajj ou quoi. Tu fais ça parce que c'est une ibadah qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a ordonné de faire. Et remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a permis de la faire. Il faut bien que tu te mettes en tête qu'il y a combien de personnes qui voudraient bien faire le Hajj, mais qui sont incapables là, actuellement. Pourquoi? Pour maladie. Parce qu'ils ne peuvent plus bouger. Ils sont pauvres. Et toi, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a facilité cette ni'ma. Ushkur Allah sur cette ni'ma. Ushkur Allah beaucoup, parce qu'il t'a facilité à faire une ibadah ou le Hajj al-Azim. J'tahid dans les ibadah, yani barakallahu fik. La deuxième chose, il faut qu'il écrive son testament avant de partir. S'il a des dettes, qu'il écrit à qui il devait de l'argent. Et qu'il rend aux gens ce qu'il leur a emprunté. La troisième chose, qu'il se repente de ses péchés. Et qu'il regrette ce qui s'est passé. Et tout faire pour ne pas revenir sur ses péchés. Pour ne pas retomber sur les mêmes marasses. La quatrième chose, qu'il rende ce qu'il a pris injustement aux ayants droit. Si tu as pris quelque chose à quelqu'un, injustement, rends-lui. Demande-lui pardon. Demande-lui de te pardonner. C'est mieux pour toi. La cinquième chose, c'est que la personne, ce qu'il faudrait qu'elle fasse, c'est qu'elle fasse son hajj avec de l'argent halal. Qu'elle fasse son hajj avec de l'argent halal. Parce que si maintenant elle fait son hajj avec de l'argent qui est haram, par exemple l'argent de la drogue ou l'argent d'intérêt, tirer des intérêts ou ça, ton hajj est sahih. Mais est-ce que tu vas revenir avec le même ajr que celui qui l'a fait avec l'argent halal? Est-ce que tu vas revenir comme le jour où ta mère elle t'a enfanté? Non, c'est pas le même ajr. Alors fais ton hajj avec de l'argent halal, barakallahu fik. La sixième chose, ce que je conseille, qu'il s'écarte de toute désobéissance. Qu'il ne blesse personne par sa langue ou par ses mains. Qu'il ne bouscule pas les autres pèlerins de manière dure. Qu'il soigne de la médisance. Qu'il évite le djidel. Sauf si c'est d'une bonne manière. Yarni, si tu djidel avec quelqu'un pour le haq, la base. Mais si tu djidel pour faire un djidel, laisse tomber. Alors, il parle de manière pour rechercher le haq et délaisse le djidel. Évite de mentir. Et surtout, évite de dire sur Allah ce que tu ne sais pas. Si tu ne sais pas une chose sur laquelle tu as interrogé, dis Allahu A'la A'lam. Il n'y a pas d'honte de ne pas savoir. Mais la honte, c'est de dire sur Allah ce que tu ne sais pas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'interroger sur ça. Il va t'interroger sur le fait que tu aies dit sur lui ce que tu ne sais pas. Parce que cette manière, toi tu vas donner une fatwa, tu vas égarer la personne va croire que c'est ça, elle va être égarée, et il se peut qu'elle égare d'autres personnes. Ensuite, essaye de rattraper l'erreur. Parce que combien vont entendre ces paroles, combien on va la diffuser. C'est toi qui vas porter le fardeau. Tu recevras Allah que ce que tu sais. Si tu ne sais pas, dis Allahu alayhi. Ensuite, parmi les règles aussi, c'est qu'il apprenne les règles du Hajj et de l'Umra. Tu pars pas comme ça, aveuglément, à Allah, comme on dit, j'apprends sur place. Non, apprends avant de partir. Apprends avant de partir, c'est mieux pour toi. Ensuite aussi, la huitième chose, c'est qu'il soit strict avec les obligations prescrites par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il soit strict avec les obligations prescrites par Allah azza wa jal. Telles que la salat en groupe, la salat dans son temps, qu'il multiplie les ibadah, telles que la lecture du Coran, le dhikr, les askar, les dua, le bon comportement avec les gens, la douceur avec les musulmans, faire des dons envers les pauvres, commander le bien, interdire le mal, et autre chose de ce genre. Et dans les ibadah, sois strict, sois dur dans tes ibadah. يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى يسبر على récompense auprès d'Allah عز وجل. La neuvième chose avant de que je voyage, c'est voyager avec une bonne compagnie. Si tu peux voyager avec un ami que t'aimes bien, qui va faciliter, avec qui tu vas parler, yani qui te dit, tu vas staffer, tu vas apprendre, tu vas profiter de lui, lui va profiter de toi. Dans le عين. Voilà, alhamdoulilah. Si tu connais quelqu'un qui peut faire le hajj, qui a pas l'intention, motive-le. Tu les fais, ya akhi, t'as les moyens de faire le hajj. Ansahouk, yani, fais le hajj pour l'instant que t'as le temps. L'année prochaine, peut-être t'auras pas les moyens. Peut-être que demain, on va mourir. Motive-la à faire le hajj. Inch'Allah, yani, Allah, yiftah, allez, vous allez faire le hajj ensemble. Ce ni'ma. Il se peut que tu sois récompensé pour l'avoir motivé. Oma yudrik. Qu'est-ce que tu en sais? Il se peut qu'Allah te récompense pour avoir motivé Fulan pour son hajj. Il se peut que Fulan, pendant le hajj, il va dire Allah, jazakallah khair. Il va être dans le tawaf, faire des doigts pour toi. Il va te remercier pour l'avoir rien motivé. Parce qu'il n'a pas intention de le faire. Si tu connais quelqu'un qui a les moyens, motive-le à faire le hajj. Et on doit aussi, pour le voyage, se doter d'un bon comportement. Qu'est-ce que je veux dire par là? La personne, si elle va faire le voyage, doit avoir un comportement, c'est-à-dire, cela, ça englobe quoi? Ça englobe la patience. Pardonner, la douceur, pas se presser sur le jugement, avoir de l'humilité, de la générosité, être juste, avoir de la miséricorde, être digne de confiance, quelqu'un à qui on peut faire confiance, avoir de la piété, pardonner, et avoir de la pudeur, etc. Et aussi, je conseille. Ouais. Que tu conseilles avant ton départ ta famille. Conseille ta famille. Tu la conseilles d'avoir la crainte d'Allah. Oh. Tu la conseilles, yani, de faire du khir. En gros, conseille ta famille d'avoir de la crainte envers Allah. Et ça, c'est la recommandation d'Allah Azzawajal aux premières générations, aux dernières. Allah subhanahu wa ta'ala, donc combien dans le Coran, il mentionne la taqwa Allah. Et la dernière chose, parmi ces adab min adab safa, parmi les comportements à avoir pour le voyage, c'est que tu voyages et que tu mémorises, tu fais du hifz, yani sur quoi? Sur les du'as du voyage. Mémorise les du'as du voyage. La askar sabah, askar masa. Tu mémorises la du'as de la monture, etc. Ça, yani, c'est indispensable. Tu peux faire ça, wallah, t'es à la khair. Inch'Allah, maintenant on va commencer, bi'idhnillahu ta'ala, par la Umrah. On va décrire, d'abord avant de commencer, les rites du Hajj, les mérites de la Umrah. Il faut savoir que beaucoup de choses qu'on va mentionner pour les rites du Hajj, on ne va pas les mentionner dans les rites de la. Il y a beaucoup de choses, yani, parmi les rites de la Umrah, qu'on ne va pas mentionner dans les rites du Hajj. ça se ressemble, yani, on va faire une ishara, on va dire, on y revient au cours précédent. Mais on va pas dans le hajj, par exemple, on va arriver au tawaf, on va pas expliquer le tawaf. On va arriver au hajj où ça a parlé du miqat, on va pas reparler du miqat, on va parler dans le tawaf. On va rappeler vite fait, brèvement, quelques isharas, mais on va pas rentrer dans les détails. La personne, donc, elle doit prendre un stylo, papier, et ce qui est important, le noter. Jazakum Allahu khaira. Et avant de commencer à rentrer dans le rite de l'Amra, je voudrais faire quoi? Je voudrais qu'on parle d'abord des mérites de l'Amra. Puisque l'Amra, ça a des mérites. Et parmi ces mérites, on a le hadith de Abi Hurayra, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Inna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam qal, al-Amra ila al-Amra, كفارة لما بينهما. أبي هريرة رضي الله عنه il a dit quoi? Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'une umra à l'autre ce qu'il y a entre les deux comme péché est pardonné. Parmi les deuxièmes mérites, mais ils sont nombreux, ça c'est rien qu'une ishara, c'est rien qu'un résumé, mais celui qui cherche dans les kutub al-fiqh, il va trouver les mérites de l'umra. Surtout sur les livres qui parlent du hajj, tout ça, ça va parler des mérites. Parmi les deuxièmes mérites, c'est un hadith عند عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمرة في رمضان تعدل حج معي. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت la femme du prophète صلى الله عليه وسلم عائشة l'a dit une umra durant le mois du ramadan et qui vaut un hajj avec moi. Parmi les troisièmes mérites, il y a le hadith Ibn Mas'ud ou Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum anna nabi sallallahu alayhi wa sallam qal tabi'u bayna al hajj wal umra fa innahuma yanfiyan al faqra wal dhunub kama yanfi al kir khabath al hadith. Al-Hadid. D'après Ibn Mas'ud et Ibn Abbas, radiyallahu ta'anhum, le prophète sallam a dit multipliez les hajj et les umra, car ils chassent la pauvreté et les péchés comme le soufflet du forgeron chasse les impuretés du fer. Quatrième mérite, c'est un hadith de Aïcha, radiyallahu ta'anha. Elle a dit وعند عائشة رضي الله تعالى قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. عائشة رضي الله تعالى عنها la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam elle a dit je demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam est-ce que les femmes ont un jihad? Un jihad, c'est une guerre sainte, c'est un jihad. Il répondit oui. Elles ont un jihad. Et c'est quoi leur jihad? Il a dit, dans lequel il n'y a pas de combat. Et c'est quoi? Le hajj et la umra. Ça prouve, dans ce hadith azim, si on médite dessus, ça prouve les mérites du hajj et les mérites de la umra. Rien que ce hadith, ça aurait été largement suffisant pour prouver les mérites du hajj et de la umra. Donc, on ne doit pas être négligent par rapport à cette ibada. On doit, celui qui peut faire le hajj et la umra, rien que par rapport à ce hadith, alors qu'il le fait. Ensuite, il faut savoir que les savants, qadiman wa hadithan, les anciens, c'est-à-dire les frères qui ont entendu, ils ont divergé. Est-ce que le hajj et la umra, est-ce que la umra est obligatoire? Il faut savoir qu'il y a une divergence. Et quoi qu'il en soit, que la personne voit l'obligation de la umra ou que c'est une sunna, nous, par rapport au hajj Aïcha déjà d'avant, on n'a pas à sous-estimer cette adoration. Et dire c'est qu'une umra, non. Non. C'est faire la umra, c'est une grande récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait 4 fois la umra. Et les compagnons faisaient beaucoup de umra. Et on a déjà parlé يعني de la récompense d'une salat faite dans le Masjid al-Haram. Et on n'est pas des Qur'aniyoun. C'est quoi les Qur'aniyoun? C'est les personnes qui ont rejeté la sunna. Et qui يعني, délaissent toutes les sunna, يعني, ils se passent par rapport au Coran. Et le fait qu'ils rejettent la sunna, c'est un dalil wadih, c'est un dalil clair. Qu'ils n'ont pas de respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que les Qur'aniyoun, يعني, min baba al tariq, ils ont été rendus mécréants par les savants. Quoi qu'il en soit, tu ne perds rien à l'affaire. Quoi qu'il en soit, tu ne perds rien à faire une umra. Et en principe, dès que tu arrives au Hajj, dès que tu arrives yani, au Miqat, le Hajj est environ, on va dire, une semaine avant ou une semaine après ça. Voilà. Une semaine après que tu arrives au Miqat, tu as le temps de faire la umra. La umra, ça ne prend pas une semaine à la faire. Ça te prend 2 heures, 3 heures. Alors profites-en. Mais une niya, ahtasib al-hajj. Toi, tu mets ta niya de hajj al-umra. Et de hajj al-umra. Perds pas ton temps. Yani, tu ne dis pas, non, je mets rien qu'une niya de hajj. Non. Quoi qu'il arrive, même s'il y a khilaf entre les savants, est-ce que c'est obligatoire ou pas, toi, rentre dedans. Tu dis, c'est une ibadah adhim hein, qu'il faut faire. C'est une opportunité qu'il faut faire. Ça là. C'est pas parce que tu dis c'est pas obligatoire, je vais la délaisser. Non. Ça, c'est une erreur. C'est une ibadah qui est adhim, hein, je vais la faire parce qu'il y a un hajj qui est adhim. Donc, quoi qu'il en soit, tahtasib. T'es là-bas, fais le hajj, la umra. Fais la umra, le hajj. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu arrives au miqat, tu mets une niya de hajj, la umra. On ne demande pas de porter des pierres. C'est dans le qalb, t'as rien qu'à mettre la niya de hajj, la umra. C'est important, barakallahu fikoum. Même s'il y a un khilaf, toi tu dis c'est une sunnah qui est harim, hein, qu'il faut faire, et t'es récompensé pour. Et voilà. Il faut savoir aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a instauré des miqats. Des miqats, c'est des lieux où tous ceux qui vont faire le hajj ou l'umra sont obligés de passer. Et ces lieux ont été légiférés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été mis afin que les gens se mettent en ihram. Et il est strictement interdit de passer ces lieux sans s'être mis en ihram. Et ces lieux, ils sont au nombre de 5. Mais nous, on ne va pas citer les 5. Parce qu'on n'a pas besoin de savoir c'est quoi les 5. Il y en a qui ne nous concernent pas. Nous, on vient d'Europe, on vient d'Afrique, par exemple. On a des miqats qui sont spéciales. On ne va pas prendre les miqats de ceux qui viennent d'Irak, de ceux qui viennent du Yémen. Non. Nous, on vient d'Europe, on va se concentrer sur les miqats de ceux qui viennent d'Europe. Et les miqats qui nous intéressent, ils sont nombreux de 2. Le premier, c'est le miqat qu'on appelle Dhul Halayfa. Dhul Halayfa. Le deuxième, c'est le Juhfa. Dhul Halayfa, c'est le miqat pour les gens qui viennent du nord de Médine. Il se trouve environ à une dizaine de kilomètres de Médine et à 450 kilomètres de Mecca. Et pour ceux qui viennent d'Afrique du Nord ou du Chem, tels que la Jordanie, à ceux-là, leur miqat, c'est le Juhfa. Parce qu'il y en a beaucoup, yani, comme vous savez, qui viennent par le Chem. Par exemple, ils vont passer par la Turquie, par la Jordanie et tout ça. Sur là, leur miqat, yani, il est au Nord. Et ce miqat-là, il se trouve environ à 200 km de la Mecque. Et ces lieux, ils ne peuvent pas être traversés si ce n'est en état d'ihram. Il faut savoir que Jeddah, ce n'est pas un miqat. Donc, la personne qui vient et qui passe par Jeddah, il faut qu'elle soit en ihram avant de traverser le miqat. Si par exemple elle est dans l'avion, il faut qu'elle soit déjà en ihram. Et dès qu'elle va arriver au-dessus de, par exemple, du miqat, le pilote va dire voilà, on est au-dessus de tel miqat, et toi à partir de ce moment-là, tu mets la niya de rentrer en ihram. Maintenant, on a une question. La question, c'est si une personne elle dépasse le miqat. Mais c'est pas ni en ihram. C'est quoi ton jugement concernant sa umra? Une personne, elle a dépassé le miqat. Mais elle n'est pas rentrée en ihram. C'est quoi le jugement concernant sa umra? Ibn al-Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit: celui qui dépasse le miqat sans être en état d'ihram, il devra retourner au miqat, s'il en est capable. Et cela, qu'il ait dépassé le miqat tout en sachant son hukm ou en étant ignorant, qu'il connaisse son jugement ou pas. Et dès qu'il reviendra au miqat, il se mettra en ihram. Il n'aura pas de péché, inshallah. Fin de citation de Ibn al-Qudama, rahimahullah ta'ala. Mais si une personne dépasse le miqat, elle ne s'est pas mise en ihram, mais elle ne peut plus revenir en arrière. Si elle revient en arrière, le hajj risque de lui passer sous le nez ou sa umra. Dans ce cas-là, inshallah, sa umra, elle est bonne. Mais il a aussi un péché. Il a aussi un tort. Et s'il était au courant du jugement, et s'il avait la possibilité d'apprendre, comme actuellement, hein, les cours ils sont donnés, il ne l'a pas fait. Et il a un nars, il a dit, moi j'apprends pas, j'ai un ni'an Allah. Il est en tort. Mais s'il est ignorant et il n'avait pas les moyens d'apprendre, inshallah subhanahu wa ta'ala, Allah il lui pardonnera. Allah ghafur rahim. Ouais, inshallah, on va se suffire de ce dars aujourd'hui. Et inshallah, demain, on va se contenter de ce dars aujourd'hui. On va rappeler quelques points qu'on a vus durant ce dars. Parmi les points qu'on a vus durant ce dars, yani on a parlé un peu des mérites du Hajj et de la Umra. On a parlé on a donné quelques recommandations pour ceux qui font le Hajj et la Umra. On a aussi parlé du comportement à avoir pour celui qui va faire le Hajj et la Umra. Et on a aussi parlé de quoi? Des miqats. Inch'Allah, demain, bi'idhnillah ta'ala, on va continuer sur ça. Wa billahi tawfiq. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.